Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Le plan d'aujourd'hui à Assemblage Ruki? Les petites mythologies avec Martin Bertrand qui parle de hockey. On rencontre le dernier humain sur Terre dans la capsule classique de Fidon dans la question. Il y a aussi une chronique CNX aujourd'hui. C'est à Assemblage Ruki, c'est maintenant. Bonjour et bienvenue à Assemblage Ruki, c'est l'émission du retour en pièces détachées. Il est Kiwan. Oui, et lui, c'est Mathieu. Et bonjour, Kiwan. Salut, Mathieu, ça va bien? Ben oui, passe une belle fête de semaine. Oui, super. Elle passe vite cette semaine, je trouve. Elle passe toute vite cette semaine. Dans l'émission d'aujourd'hui, on va recevoir. On va écouter une chronique de Martin Bertrand, hein, ces petites mythologies qui ont lieu à chaque semaine les lundis. Aujourd'hui, ça va être sur le hockey. On va aussi passer une bonne vieille capsule classique de Fidon dans la question qu'on n'a pas eu le temps de jouer jeudi. Oui, généralement, c'est le jeudi, mais on a manqué de temps la semaine dernière, jeudi, pour vous passer la capsule classique de Fidon Ladon. Donc, on se reprend, on vous envoie ça aujourd'hui, étant donné que le programme est quand même pas si chargé aujourd'hui. Non. Donc, on va se permettre ça. On manquera pas quand même notre Fidon Ladon hebdomadaire. On va bien sûr avoir une chronique technologique CNX. Aujourd'hui, c'est Utile Truc, donc des sites web et des logiciels utiles pour vous simplifier la vie de geek. On va aussi avoir des billets pour le spectacle de Qui m'a recru. Et puis, on va parler de belles choses super divertissantes, peut-être même de saut tantôt. Ah, ben oui, sûrement. Ben oui, il faudrait. Sûrement, mais pour l'instant, on va aller en musique avec un artiste qui va être chez nous, qui va être ici dans l'émission Assemblage Ruki. C'est mercredi cette semaine. Il va être en entrevue téléphonique Fred Fortin pour son spectacle qu'il donne samedi prochain. C'est ici à l'Embuscade à Trois-Rivières. Donc, on l'écoute tout de suite avec sa pièce qui est dans le palmarès francophone. Ça s'appelle Dolorama à Assemblage Ruki. Sur les ondes de site. Ça doit être la petite charrue qui m'en... troublé, je me souvenais plus ce que je faisais là. J'ai viré le coin bien vite, j'ai ramassé une paire de bas. Avait pu autant des gros tétons, puis un partiel. J'ai continué de marcher dans la lumière des rayons du dehors. J'vois bien n'importe quoi en sachant que ça servirait pas. J'me suis souvenu, nous autres on l'aimait bien. Ça y est qu'une pièce pour y poigner les seins. Ça vaut pas cher mais ça fait bien pareil. Quand je lui dis tu reçois ton chèque de paye dans une enveloppe de papier chinois signé de la main de Dolorama. J'imagine que c'est très valorisant, payé à satisfaire son client. Assidu comme ses amis les chinois. Merci, bonsoir. It was a fat one, the kind to pull your heartstrings. I watched the wind darted round and fell down to the ground again. The fall leaves all around us, ice cream filling up my gut. I still don't have a resume, I whisper that it's on the way. But with the fall leaves all around us, I don't wanna be a grumpy guts. So let's roll out the platform and do some work. With the follies all around us, all I really wanna do is play with you all day. Sitting on the porcelain, reading the New Yorker, not feeling too political, straddling on the task at hand. Scattering a new plan, destruction of the universe. I let it sit beside me, I'm thinking of you all the time. But with the fall leaves all around us, I don't wanna be a grumpy guts. So let's roll out the platform and do some work. And with the fall leaves all around us, all I really wanna do play with you all day. The dirt chill ran over my backyard, missing all the gravestones. 1 year and 5 months is how long the world has been revolving. The dirt chill ran over my backyard, missing all the gravestones. 1 year and 5 months is how long. The world has been revolving. The Churchill ran over my backyard, missing all the good stones. 1 year and 5 months is how long. The world has been revolving. The Churchill ran over my backyard, missing all the good stones. 1 year and 5 months is how long. The world has been revolving. C'était Hooded Fang avec la pièce Fall Leaves qu'on vient d'entendre. On avait commencé avec Fred Fortin et Dolorama. J'aime ça, il y a de beaux petits xylophones dessus. Là. C'était quoi ça? C'était beau. Très bon ça, Hooded Fang. Mmh. C'est un petit EP qu'on a reçu ici avec 5 pièces, un genre de démo. Très bon groupe de Toronto. Toronto. De toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées en compagnie de Kiwan et de Mathieu. On le rappelle, d'ici la fin de l'émission, il y a Martin Bertrand, c'est vrai. Il y a Vidéo avant la question. Il y a une chronique technologique CNX. On va parler de plein d'affaires, les plus diversifiées. Ça n'aura même pas d'allure. Même pas. N'essaye pas de trouver de l'allure là-dedans. Non, non, j'essaierai pas de trouver d'allure. Je sais qu'on n'en a pas d'allure. C'est bien dit, j'aime ça. On n'a aucune allure. On n'a aucune classe. On retourne en musique, Mathieu, je pense. Hein? Ouais, on va aller écouter un petit peu de Shampoing. Shampoing, c'est dans le palmarès francophone cette semaine. Ça fait quelques semaines, en fait, que ça se tient, ça traîne dans les palmarès francophones. On va écouter la pièce « Vu que t'es là » de Shampoing à Assemblage Requis. Oh, Assemblage requis et CIFO 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Two Hours Traffic et la pièce Noisemaker. C'est un extrait du palmarès anglophone cette semaine. Oh que oui, palmarès qui est diffusé ici assez fou le mercredi et le jeudi entre 13h et 15h et puis en rediffusion les vendredis soirs à 17h. Alors soyez-y. Mm-hmm. C'est moi qui aime ça. Oui, c'est nouveau hein, maintenant. Si vous n'avez pas remarqué, là, c'est nouveau là, les mercredis et jeudis en après-midi. Nouveau jour, nouvelle heure, nouveau format avec la version anglo le mercredi et franco le jeudi. Mais toujours la même voix de Mathieu Plante. Oui. Avec ma voix, je vais t'introduire et introduire l'Amérique au complet au nouveau quiz préféré de toi et ta mère. Voici Devine le Soap! Ou Devine le Soap. Ok, évidemment. Je vais déjà deviner. Donc, Iwan, tu dois deviner si c'est Les Feux de l'amour ou Top Model qui sont deux émissions qui jouent en ce moment dans ces heures-ci en même temps qu'Assemblage requis. Donc, l'Amérique au complet doit choisir entre les deux et toi, tu devras choisir quel résumé va être quelle émission. Oui, donc avec mes compétences d'expert en top modélitude. T'as un CSI de soap. Vas-y, lis-moi les descriptions. Et puis, moi, je vais t'avouer, bien franchement, que je me fie beaucoup sur les noms. Là. J'ai mes références de noms. Donc, vas-y, j'écoute attentivement. D'accord. Cette semaine, soap 1. Eric demande à Felicia de se mêler de ses affaires. Stéphanie tente d'expliquer la raison de ses agissements à Ridge. Felicia apprend à Bridget que Stéphanie est de retour. OK, donc ici, la clé, c'est Ridge. Bien sûr. Ridge, OK, continue. Soap 2. Cette semaine, Matt refait surface et tente de savoir ce qui trotte dans la tête de Tricia. Justement, Victor met en garde Nick. Il faut se méfier de cette jeune femme. Ryan et Victoria savourent un souper aux chandelles. OK, donc ici, la clé, c'est Tricia, parce que tu sais, il y a toujours des noms qui sont plus, plus caractéristiques, exactement. Donc, moi, je dirais que Tricia appartient au monde de Les Feux de l'amour et Ridge à Top Model. Bravo, Kiwan! Ah, pas pire. Bon. Même les noms des acteurs ressemblent à des noms de personnages dans des soaps. Hein. T'as Ashley Jones dans le rôle de Dr. Bridget Forrester Maron, Don Diamond dans le rôle de Bill Spencer Jr. C'est vraiment des noms aussi caractéristiques pour les acteurs. Hein. C'est un peu comme les athlètes là, dans les anciens empires les anciens empires communistes. Quand tu naissais, ils t'étaient voués à un destin. Toi, tu vas jouer au hockey plus tard, ils vont t'entraîner pour devenir un hockey. Bien sûr, c'est pareil. Selon leur nom, toi, un jour, tu vas devenir vedette d'une soap américaine. C'est ça. Ils n'ont pas le choix. Avec un nom comme ça, ils sont prédestinés dès leur naissance à devenir des vedettes de soap américaine. Pareil comme l'Espérance et la Porte Carpentier. Pareil. Pareil. Dans Ramadan. Comme toi, tu sais, Mathieu Plante, on aurait pu croire que t'étais voué à devenir, je sais pas, horticulteur. C'est ça. Animateur de magazine horticulturiste. Mais non, tu vois. Non. Mais quand même, tu travailles avec des légumes, fait que ça marche. Toi, tu parles. Ouais. C'est ça. Fit. Tout à fait. C'était Devine ton Hope! Le quiz préféré de toi et ta mère. Je suis 2-2 à date, hein, pas pire. À date, t'es vraiment très très bon. Moi, je te lève mon chapeau melon. Pas pire. Pas pire du tout. So, j'avouerai jamais que en fait, je me pratique toutes les fins de semaine. Tu vas sur tvhebdo.com toute la semaine. C'est ça. Non, je fais comme toi, j'écoute en rafale la fin de semaine tous les épisodes de des Feux de l'amour la semaine. En accéléré. J'écoute des talk shows américains en accéléré, c'est pour ça qu'ils disent ça. C'est pour ça. Blague interne. Voilà. C'est super. Bon, donc, assez de blague interne ici. C'est toujours Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Kiwan et Mathieu, toujours avec vous jusqu'à 17h. Oui, dans quelques minutes, on va avoir une chronique CNX, mais avant ça, on va écouter un autre extrait du palmarès anglophone. C'est la pièce Vapors du groupe Highlands. On écoute ça tout de suite à Assemblage Requis. Share. Assemblage Requis et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. L'entrée du garage est condamnée depuis déjà longtemps. Les curieux y jetteraient bien un coup d'œil, mais pourtant... Les seuls qui sont amis font partie de nos amis. Les autres qui restent dehors, mais puis tant pis. Y'a un croyau qui se passe dans le voisinage. On nous entend travailler dans le garage. Ça inquiète la population, mais ils vont savoir, ça sera pas long. Y'a un croyau qui se passe dans le voisinage. Si ça les inquiète tant, c'est que la dernière fois, les gars du quartier voisin ont voulu faire la loi. On les a vus débarquer, presque tous armés, de battes de baseball et de balles de fer rouillé. De battes de baseball et de balles de fer rouillé. De battes de baseball et de balles de fer rouillé. La rencontre s'était montrée plutôt violente. C'est à huis clos, c'était déroulé la battante. On les avait laissés rentrer, mais quand la porte s'est refermée, c'est en ambulance qu'ils s'en sont tournés. Voici c'est différent, il n'y aura pas de bagarre ni d'effusion sans cesse. Voici on peut être fier de ce qui sort du garage. Ça fait des mois qu'on est sur ce projet-là. Quand ça va sortir, vous y croirez même pas. Préparez vos contacts. C'est à soi qu'on roule les portes du chat. Il y a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Y'a de quoi de gros qui s'est passé dans le garage. Rassemble ce qui pour toi aujourd'hui. C'est fou, c'est comme un balai. C'est comme un balai. Jusqu'à 17h. Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. êtes toujours à l'émission Assemblage Requis en compagnie de Kiwan et Mathieu. On vient d'entendre Malajub avec la pièce L'école en bol. Malajub qui était la fin de semaine dernière, le 21 novembre, qui était du gros événement M pour Métropolis, organisé par M pour Montréal. Il y avait entre autres là-dedans Xavier Caffeine, il y avait Champion, Mistress Barbara, Fucked Up aussi. Donc un gros, gros événement qui avait lieu à Montréal la semaine dernière. Malajub y était. M pour ben des affaires, hein, dans leur cas. Tellement de jeux de mots et d'adjectifs qu'on peut ajouter à cet événement-là qui commence par M. Mais on commencera pas ça. C'est M pour malade. Malade. C'est M pour ma chronique technologique aussi. Ta chronique technologique, c'est un ex, t'es-tu? Dash.com. Et aujourd'hui dans la chronique technologique CNX, c'est Utilitruc. Donc on vous présente des trucs, des sites web, des logiciels qui vont vous simplifier une certaine tâche sur le web dans votre vie de geek. Kiwan, t'en as des choses à régler toi? Tellement, vas-y, apprends-moi plein de trucs. Est-ce que tu connais les fils RSS? Pas spécifiquement. Non. C'est des petites pages de code qui permettent de suivre les changements à certains sites et être averti à chaque nouveau billet du blog. OK. Du blog que tu suis. Par exemple, si tu suis le blog d'assemblagerequis.com, tu t'inscris à ce fil RSS dans un logiciel comme FeedDemon ou encore sur Internet, sur Google Reader, par exemple, eh bien, il va automatiquement puiser tes nouvelles. Tu vas pouvoir les lire dans une seule interface au lieu d'aller sur plusieurs sites en même temps. Et là, ça va faire qu'il y a un paquet de nouvelles qui vont s'accumuler comme ça, que je vais devoir aller lire à tous les jours. Je dirais 17 500 environ dernières nouvelles. Puis là, ça va me faire angoisser parce que finalement, je vais avoir tellement de lu que je n'aurais pu ou trouver le temps pour toutes lire les nouvelles qui m'intéressent, que j'avais choisies. Puis là, finalement, ma vie va être ratée. Un enfer. Tu parles de quelque chose que je connais trop bien. Donc, certains sites que vous visitez régulièrement n'offrent pas de fil RSS. Ça arrive encore en 2010 presque. Donc, vous pouvez utiliser Change Detection que j'ai trouvé sur Branchez-vous logiciel. Depuis 1999, Change Detection surveille les pages web qu'ont demandé ses usagers tout à fait gratuitement. Lorsqu'un changement survient sur une des pages surveillées par un usager, Change Detection lui envoie un courriel pour l'avertir d'une nouvelle mise à jour. Donc, à quoi ça sert? Ben, pourquoi pas être averti des nouveaux postes disponibles sur la page emploi d'une entreprise, peut-être, ou être averti lorsqu'une entreprise modifie ses conditions de service ou encore lorsqu'une nouvelle version de l'application que vous utilisez est disponible. Donc, Change Detection, c'est sur le www.changedetection.com que ça se retrouve. Ça peut être utile quand une page n'a pas de fil RSS, ce qui est plutôt rare, honnêtement. Un des principaux problèmes de sécurité est l'utilisation d'un mot de passe unique pour plusieurs sites, dit encore une fois Branchez-vous logiciel. La solution, utiliser un mot de passe différent pour chacun. Mais nous voilà avec un autre beau problème, il faut mémoriser tous ces mots de passe. C'est difficile des fois. C'est sur ta banque, tu as un mot de passe. Sur le site de Tim Hortons, j'ai un autre mot de passe. La solution est Password Hash ou PWD Hash. Lorsqu'on commence à utiliser ce logiciel-là, on doit choisir un mot de passe principal et lorsqu'on s'inscrit à un site, on indique à Password Hash notre mot de passe principal pour qu'un mot de passe propre au site soit généré. Le seul moyen de retrouver ce mot de passe, c'est d'avoir la combinaison exacte de nom de site et de mot de passe principal. C'est simple. Password Hash est gratuit. On peut l'obtenir sous forme d'extension pour Firefox ou encore utiliser le site web PWD Hash. H-A-S-H en anglais, .com. Ça, c'est vraiment utile pour se simplifier la tâche. Là, je vais poser ma question de grand-père là, qui a peur des machines. Là, mais, tu sais, mettons, pour ton compte bancaire, là, serais-tu assez confiant pour je sais pas, utiliser ce logiciel-là? Peut-être pas. Je sais pas. Ils disent que c'est sécuritaire. Ça dépend des gens, tu sais. Je veux dire, ça dépend de ton niveau de sécurité, mais moi, je pense que c'est assez fiable. Ouais. Ouais. Mais c'est ça. Pour une banque, pour ton courriel, c'est différent de peut-être des sites comme un site de jeux vidéo, je sais pas, un site qui est peut-être moins important. Moi, en tout cas, j'essaie d'avoir des mots de passe très, très différents pour mes sites importants. Donc, avec Passwordage, je sais pas. Bonne question. Bonne question, mais je fais confiance quand même. T'as peut-être vu des pétitions sur Facebook pour ajouter un bouton « Je n'aime pas » au lieu de « J'aime ». tu sais, sur Facebook, on peut dire « j'aime telle nouvelle » que quelqu'un a posté. Bon. Mm-hmm. Les gens voulaient un « dislike », un « je n'aime pas ». À défaut d'avoir cette option-là implantée dans Facebook officiellement, j'imagine moi que ça va arriver bientôt. Il y a des milliers de gens qui ont signé la pétition virtuelle sur Facebook. Eh bien, il y a un add-on, une autre extension Firefox qui s'appelle Facebook Dislike. Donc, ça a l'air niaiseux de se tenir au courant de ses propres dislikes, parce que là, c'est une extension Firefox. Donc, quand tu fais dislike, il y a que toi qui le sais. Mais non, c'est pas si fou que ça, parce que l'extension les envoie dans une base de données sur Internet où ils sont visibles à tous ceux qui ont installé l'application, l'extension Facebook Dislike. Donc, si tu le fais installer par tous tes amis, ils vont voir que t'aimes pas une nouvelle. Et ça s'ajoute en dessous du « j'aime » dans les commentaires de ce que la personne a écrit. Ça veut dire, bon, mettons, telle personne aime ça, et en dessous, ça va écrire « telle personne aime pas ça ». Donc, application, extension Facebook qui peut être utile pour certains. Allons-y avec Sheepdog. Ça arrive pas trop souvent. Encore une fois, des fois dans l'utilité, c'est des choses qui arrivent pas souvent, mais quand ça arrive, t'es heureux d'avoir le petit logiciel sur ta clé USB en quelque part. Sheepdog, si tu... disons que tu reçois le portable de quelqu'un, ce portable-là était branché sur un écran pour avoir deux écrans. Des fois, tu peux partager des applications entre deux écrans. Et puis là, ben tu reçois ce portable-là et t'as pas l'autre écran. Et là, l'application qui était sur l'autre écran est perdue, t'en trouves plus, est perdue dans le néant. Tu sais, parce que tu peux pas... trouver ton application des fois peut-être entre les deux écrans ou peut-être tu peux pas la trouver. Donc Sheepdog te permet avec une touche que tu programmes toi-même de ramener les logiciels à l'écran principal de ton ordinateur. Par exemple, tu pourrais faire Windows W disons et ça va ramener toutes tes fenêtres directement dans ton premier écran. Très petite application qui s'ouvre sur une clé USB assez facile. Tiens, pourquoi pas y aller avec ceci. Tiens, pour changer les lumières de ton clavier en indicateur d'activité de ton réseau. Tu sais, les lumières sur le côté d'un clavier, caps lock, scroll lock, numpad lock, des touches, des lumières qu'on se sert absolument jamais dans le coin de l'écran. Ici, si on installe cette application-là qui s'appelle Network Lights, très très léger, encore une fois, 44 kilooctets. Vous l'extrayez, disons. Vous l'envoyez sur une clé USB, vous partez le petit logiciel et vos lumières vont se mettre à flasher en même temps que les paquets qui vont être envoyés sur votre réseau, sur votre routeur. Donc voilà, Network Lights, c'est sur assemblagerequis.com, bien évidemment. EventSync, ça j'aime beaucoup ça. C'est un utilitaire qui vous permet de synchroniser vos événements Facebook à votre calendrier iCal sur votre Mac. Donc ça c'est le logiciel pour Mac évidemment. Mais pour synchroniser tes événements, des fois c'est difficile de se rappeler quel événement avait lieu sur Facebook. Si tu l'as sur ton iCal, petite alarme, pip pip pip dans ton écran. C'est peut-être plus facile pour se souvenir de ça. Il y a certainement des équivalents pour PC. Allez sur les commentaires d'assemblagerequis.com, en fait dans l'article que j'ai posté de Download Squad. On va passer par-dessus certains très rapidement, là, vraiment rapidement. Cache My Work qui récupère des logiciels qui ont planté avec votre ordinateur. Donc vous pouvez sauvegarder une liste d'applications qui vont redémarrer au prochain démarrage de Windows. Ça s'appelle Cache My Work. Il y a aussi un Wally qui est un changeur de fond d'écran pour Windows, Mac et Linux. Donc il fonctionne sur chaque système d'exploitation et va puiser sur Flickr, sur Yahoo, sur Photobucket. Des photos pour changer ton fond d'écran. Des fois, c'est le fun d'avoir un petit peu de variété. SyncToy 2.0 de Microsoft, mise à jour, ça faisait des années qu'il n'avait pas fait de mise à jour de ce logiciel-là. C'est pour synchroniser deux dossiers, disons dossiers sur le lecteur C et le lecteur E. Aussitôt que tu fais un changement dans un, ça se miroite sur l'autre. Donc, c'est comme pour faire des backups plus facilement. Donc, ça s'appelle SyncToy. Si vous détestez le nouveau menu démarrer de Windows dans Windows 7, il y a une façon de ravoir le menu de Windows XP avec un logiciel qui se retrouve sur assemblagerequis.com parce que là, c'est assez compliqué. Mais c'est ça, donc dans Windows 7, il n'y a plus de façon de revenir en tant que tel dans Windows à l'ancien menu démarrer avec les petits menus, accessoires, etc., etc. C'est tout répertorié dans l'espèce de truc à la Windows Vista où tu tapes un mot pour que les logiciels arrivent. Là. C'est supposé être mieux, mais il y a bien des gens qui n'aiment pas ça. Donc voilà, petit logiciel pour ça. Tu as peut-être vu sur Facebook, encore une fois, le petit Easter Egg, un œuf de Pâques qu'on appelle, c'est où tu fais une combinaison de touches, il se passe quelque chose. Dans ce cas-ci, c'est le célèbre Konami Code, celui que les geeks connaissent par cœur, le OO Baba gauche-droite, BA Enter. Si tu entres ça sur Facebook, ça fait des beaux petits rayons de soleil, puis tout le monde en parle, donc je tenais à le mentionner sur Facebook, ça fonctionne. c'est assez différent des chaînes de courriel où on reçoit des fois genre quelqu'un qui dit « Hey, un nouveau Easter Egg, appuie sur Alt et F4 en même temps et puis ça va faire quelque chose, tu sais, Alt F4 pour fermer la fenêtre, comme un genre de tour que les gens se font par Internet depuis des années. » Bref, œuf de Pâques sur Facebook. Et pour terminer, Mozilla Weave Sync, la première version bêta pour synchroniser les données dans Firefox a été lancée par Mozilla. C'est un petit ajout que tu ajoutes dans Firefox et qui va synchroniser tes signets et tes paramètres de Firefox sur plusieurs ordinateurs. Donc, à la place de traîner votre clé USB avec vos signets, vos favoris dessus, Weave le fait pour vous, surtout vos ordinateurs au travail, le portable, à la maison, n'importe quoi. C'est Mozilla Weave, nouvelle version un petit peu plus stable et de plus en plus stable. Elle corrige plusieurs problèmes, donc allez vous procurer ça en passant par assemblagerequis.com. Parfait. Nous allons ajouter cet ajout. Ajoute cet ajout dans la journée même. J'ai essayé. Donc, c'était ta chronique CNX pour aujourd'hui, Mathieu. Bien sûr. Il va y en avoir une autre sûrement demain. Un des jours cette semaine. Si Dieu le veut. Ouais, commence pas avec ça. trois chroniques, quatre chroniques environ par semaine. Hein, ça dépend. Et elles sont compilées en une seule et même émission. Ça, c'est sûr et certain. C'est toujours les lundis à 10h. Ça varie pas. C'est ici, sur les ondes de C'est fou. Animé par toi, Mathieu. Donc, cnx.zip, lundi à 10h. Ça, c'est fixe. Fixe. C'est cnfix.zip, on pourrait dire que c'est fixe. Bon, donc, toujours à Assemblage Requis. On continue ça en musique un petit peu, hein? C'est le même. Oui, dans quelques minutes, on va avoir la capsule des petites mythologies avec Martin Bertrand qui nous parle de hockey cette semaine. Mais pour l'instant, on va aller en musique avec le groupe... Parler et la pièce Sandwalking, c'est à Assemblage Requis sur les ondes de C'est fou, 89.1 FM. Assemblage Requis et C'est fou 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du pauvre. morning comes and I can't make my body rise. When the morning comes and the darkness presses on all sides. When the morning comes, I have to fight. Love within my heart. You say party, we say die. Oui, et c'est ce qui termine la première heure de l'émission. Tout de suite après, en début de deuxième heure, en fait, on va avoir la capsule mythologique de Martin Bertrand qui nous parle de hockey. Et quoi d'autre aussi? On va avoir du Vidon Lardon la question. Oui, on va parler du set des fruits de mer dans Vidon Lardon la question. On va aussi avoir des billets pour qui m'a recru. On va parler d'Amélie Gagnon. Tout ça dans la deuxième heure de Sondage Requis. Soyez là. petit bout de ton char. 89-1-1-1. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Et bonjour, c'est la deuxième heure d'Assemblage Ruki. On est à quelques minutes à peine de l'analyse du hockey par Martin Bertrand dans sa petite mythologie hebdomadaire. Restez là pour ça. Oui, aussi un petit peu plus tard dans l'émission. D'ici la fin de l'émission, vous allez entendre une capsule classique de Vidon là dans la question. On va aussi vous parler d'Amélie Gagnon. Amélie Gagnon, la gagnante de l'UQTR en spectacle. Bien aussi, sûr. Je fais un petit retour sur la pièce La mort d'un révolutionnaire que je suis allé voir en fin de semaine. Ah. Plein d'autres choses. Il va y avoir de l'excellente musique aussi, comme d'habitude. Justement, en parlant d'excellente musique, juste avant Martin Bertrand, on va aller écouter Les Amis au Pakistan qui sont sur le palmarès francophone avec la pièce Imbra Stingra. Vous êtes à Assemblage Rookies. J'ai rencontré un être très, très, très... Sur les ondes de C'est fou. Le hockey. Autant jadis, à une époque plus barbare que la nôtre, diront certains, sévissaient des combats sous forme de mêlée entre gladiateurs sous les regards avides de sang des spectateurs.

C'est quand même l'équipe que je préfère. J'ai-tu le droit? Bon. Oui, oui, t'as le droit. On se calme, on se calme. Donc, t'as passé une belle fête de semaine, là. Ouais, ouais, c'était très cool. Après ça, on a fait la fête un peu avec les étudiants de Kingston. Ouais. Très, très belle soirée. Mais t'es aussi allé voir du théâtre récemment, et ça, on en parlera tantôt. Oui, c'est ça. Vendredi soir, je suis allé voir La mort d'un révolutionnaire ici au Studio Théâtre. Je vais vous en parler plus en détail tout à l'heure. Avec plein d'autres choses aussi qui restent à passer dans l'émission. Mais pour l'instant, on va retourner en musique avec Numéro et la pièce Un tiers, deux tiers. Vous êtes à Assemblage Requis, l'émission du retour en pièces détachées. Le reflet n'y est pas, la surface est trop souple, une roche au fond du lac, l'insulte était facile, je m'enlise et je sais, je suis prêt à souffrir au fond. Assemblage Requis et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. C'est un band de boogie à Montréal, années 70, un groupe écœur. Dire qu'il n'y a plus un maudit enregistrement. Vous les auriez vus, vous les auriez juste entendus. Je vous jure que ces gars-là, ils ont inventé Travolta. 35 ans plus tard, en voulais-tu pas un qui revient? L'air d'un big shot, clairement crétin. Il écrit des tonnes imbéciles pour une chanteuse à gros seins. Inspiration zéro, mais à cette heure, il passe à la radio. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à TV. Elle flippait des burgers, elle sentait la friture, puis les oignons. Ça, c'est normal, c'est ça la vie. Jamais personne pour dire merci. C'est graisser le corps pendant 15 ans, 138 000 réchauds de café. Un jour de pluie, à sacrer le camp. Elle est partie, la caisse aussi. Quand elle décide que c'est assez, quand elle décide que c'est son tour, il y a toute une armée de vautours qui part en peur pour la poignée. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va passer à TV. Le soir que ça s'est passé, faisait chaud. C'était la fin de l'été. Il y avait la police, les journalistes, puis la TV. D'où c'est qu'il venait? Est-ce qu'on le voyait souvent? Des questions pour faire peur aux enfants. Il y avait les Robidou, les Ménard, la blonde de Gaétan. Il y avait un grand cordon jaune, puis tout le monde qui regardait vers son appartement. C'est clair qu'il était pas bien, c'est sûr qu'il était rendu trop loin. Juste à le regarder, on avait le goût de brailler. Gros comme un poux, blanc comme un drap. La vie avait avalé le pauvre gars. Fait que c'est maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Ça se trouve, on va penser à dire maintenant que tout le monde parle. Là, ça vaut le coup de se déplacer. Show gratuit pour tout le monde. Si ça se trouve, on va penser à dire. Assemblage Ruki et CFOU 89.1 FM sont fiers partenaires de la 51e campagne du Noël du Pauvre. Au bijou et intro to season, assemblage requis. Mission du retour en pièces détachées avec Kiwan et Mathieu. Oui, et maintenant, je vais vous parler un peu de théâtre. En fait, premièrement, vous dire que si vous êtes des amateurs, en fait, si vous êtes plus tenté par une expérience de comédien plutôt que d'aller voir une pièce de théâtre, là, si, même si c'est votre première expérience, si vous n'avez pas d'expérience, en fait, ça vous tente de participer à la production d'une pièce de théâtre, eh bien, il y a le théâtre, la troupe théâtrale derrière le rideau de Saint-Boniface qui recherche des comédiens présentement, qui recherche quatre comédiens pour des rôles masculins. Donc, c'est pas nécessairement mentionner des hommes. Si vous êtes une femme qui veut faire un rôle masculin, on recherche des comédiens pour quatre rôles masculins. C'est pour monter la pièce Vol avec affection. Donc, on dit suite au succès obtenu avec la pièce de théâtre des Belles-Sœurs, qui était la dernière production du théâtre derrière le rideau. On a décidé de monter cette pièce Vol avec affection. Si ça vous tente de participer, si ça vous tente de tenter votre chance d'avoir une audition, vous communiquez avec Nancy ou Sophie. Et là, je ne sais pas si ça vaut la peine que je dise les numéros de téléphone comme ça. En fait, ce que je veux plutôt vous dire, c'est d'aller voir le assemblagerequis.com. On a mis toutes les informations pour pouvoir entrer en communication avec le théâtre derrière le rideau. Et vous aurez les informations pour l'audition qui est le 25 novembre prochain à 7h30 au centre municipal Saint-Boniface. Parce que oui, ce que je l'ai dit, c'est une compagnie théâtrale de Saint-Boniface qui se produit là-bas. Vraiment une très bonne idée de prendre des gens qui n'ont pas nécessairement une formation là-dedans. Ça peut donner de l'expérience à des gens. C'est cool. Oui, c'est ça. Ben, je pense que la troupe, là, en général, n'est pas... je suis à peu près sûr que c'est pas une troupe professionnelle. Donc, qui font ça probablement pour leur plaisir, mais en même temps, qui veulent monter quelque chose de qualité. Donc, ils prennent quand même la peine de rechercher des comédiens, passer les auditions, tout ça. Donc, les infos sont sur assemblagerequis.com. Allez-y tout de suite. Tout est déjà là. Voilà. Moi, je veux parler aussi d'une pièce de théâtre qui est présentement en production à l'affiche à Trois-Rivières. C'est d'une compagnie locale. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de compagnies théâtrales qui produisent de Trois-Rivières ici qui se produisent ici. Donc, c'est quand même, je trouve, pertinent d'en parler et surtout important de les encourager. La pièce s'appelle « La mort d'un révolutionnaire ». Elle s'est présentée au Studio Théâtre. Pour ceux qui ne connaissent pas le Studio Théâtre, en fait, c'est leur 5e anniversaire cette année. Et c'est situé ça dans l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Donc, si ça vous dit rien... parce que vous êtes les six premières. Vous êtes peut-être pas très à l'aise avec tout le comté, le contenu religieux paroissien de Trois-Rivières. c'est la grosse église qui est juste à côté du Super C sur le boulevard Saint-Maurice. Là, ça dit de quoi, hein? Super C, c'est plus connu, je pense, que l'église Notre-Dame des Sept Allégresses. Le Rossi aussi, puis. Oui, exactement. On connaît tes références maintenant, vraiment, Mathieu. Là. Vidéo du dollar, etc. Dunkin' Donuts. Tout ce qui est pas cher, Mathieu. c'est pas vrai. Ah, t'es tellement chiant. Donc, la grosse église qui est là, en fait, peu de gens le savent, mais dans le sous-sol, il y a un théâtre qui est là de façon permanente. C'est le Studio Théâtre. Ça fait 5 ans maintenant. C'est Stéphane Bélanger qui est propriétaire et qui opère ce théâtre-là. Et la pièce qui est présentée présentement, La mort d'un révolutionnaire, est pas une production de Stéphane Bélanger parce que lui, je pense, c'est pas mal le principal auteur et metteur en scène qui fait ses productions dans le Studio Théâtre. Mais il y a aussi Patrick Lacombe, qui est bien connu ici à Trois-Rivières pour avoir, entre autres, remporté le prix Excellence de création en art de la scène en 2007. C'est une pièce qu'il a écrite et qu'il met en scène et dont il est aussi le principal comédien, Patrick Lacombe. La pièce en tant que telle, en fait, premièrement, je dois parler de l'espace, la façon dont l'espace est utilisé. C'est ça qui saute aux yeux, c'est ça qui est vraiment la particularité principale, je pense, de la pièce de théâtre. La salle est séparée en deux et la scène est au milieu. Pour ceux qui connaissent un peu le Studio Théâtre, c'est vraiment pas une grande salle. L'espace est assez restreint. Et en général, dépendamment de la configuration de la scène et puis de la pièce en tant que telle, dépendamment de la scénographie, il y a, je te dirais, entre 25 et 35 personnes qui peuvent assister à chaque représentation. Donc, c'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et pour cette pièce-là, on parle justement entre 25 et 30. J'ai compté environ 27-28 places, mais séparées en deux. Donc, la foule est d'une part et d'autre de la scène. La scène est au milieu, étant donné que l'espace est très petit. Tu comprends que l'autre partie de la scène, qui est de l'autre côté, les spectateurs qui sont de l'autre côté de toi, sont face à toi, puisque l'action est au milieu. Donc, ils sont vraiment pas loin. Donc, c'est une chose qui peut être un peu dérangeante au début. Moi, j'ai eu un peu de misère à m'adapter parce que t'as des gens qui sont, tu sais, environ à, je sais pas, 3-4 mètres de l'autre côté de toi qui sont face à toi. On a appris que je connais pas les distances. Qui regarde. OK, à peu près le double d'où on est toi puis moi. Là, ça te donne une idée. Là. C'est vraiment pas loin. Donc, les gens sont face à toi. Ça peut être un peu dérangeant, surtout que moi, en face de moi, il y avait un monsieur qui avait une chemise trop petite. Son bouton, il se détachait puis on voyait sa bedaine. Oh. Donc, c'était assez dur pour moi de me concentrer. J'ai eu un petit peu de misère à cause de ça, mais juste à cause du fait que tu as des gens devant toi. Dans ta face bulle, à toi. Là, ta superficie de périphérie. C'est ça. Il ne faut pas qu'il y ait trop de bedaine dans ma bulle parce que sinon, ça me déconcentre beaucoup. Mais non, c'est ça. Ça peut être quand même un peu dérangeant au début. Mais on l'oublie quand même assez rapidement. Pour la pièce en tant que telle, les comédiens qui sont autour de Patrick Lacombe, en fait, Brian Bilodeau et Marie-Noëlle Lamy, qui n'est pas vraiment comédienne, qui est plus en fait à l'enrobage vocal, comme son rôle le décrit. Premièrement, Brian Thibodeau, qui est jeune, je ne sais pas exactement quel âge, j'ai pas parlé après la représentation, mais il a l'air jeune, là, je te dirais entre 16 et 18 ans. Vraiment très, très, très bon. Très bonne performance de sa part. Et puis aussi, ce qui vient un peu ajouter là, à toute la pièce et ce qui est un petit peu le je sais pas, c'est un peu l'étincelle dans toute cette pièce-là, c'est vraiment l'enrobage vocal de Marie-Noëlle Lamy, qui est quand même subtile, qui n'a pas un très grand apport, mais vraiment, c'est pas juste sa voix. Elle fait des chants sans vraiment parole, c'est plus des sons de voix. Et puis elle participe aussi physiquement un peu, elle interagit un petit peu avec les comédiens, mais c'est un peu omniprésent, tu vois, sa présence sur la scène. Mais en même temps, on la voit, c'est pas juste une voix hors champ qu'on entend, elle est vraiment sur la scène, participe avec les comédiens. Et puis ça vient enlever un petit peu de la lourdeur de la pièce, parce que j'en viens au fait même de la pièce, les textes, le sujet exactement, ça peut être assez lourd, parce qu'on parle, comme le titre l'indique, de la mort d'un révolutionnaire. On parle vraiment d'un dialogue entre deux personnes, deux révolutionnaires. C'est un dialogue qui est fictif, mais on incorpore là-dedans certaines données historiques réelles, dont entre autres un des personnages s'appelle Georges Danton, qui est vraiment un révolutionnaire français, là, qui était à la base de la Révolution française. Et puis l'autre révolutionnaire qui se retrouve dans la même cellule, parce que c'est un peu comme un genre, on présume qu'ils sont dans une cellule, mais en même temps, l'objet principal de la scène, c'est la guillotine en tant que telle. Et puis les deux évoluent autour de la guillotine. C'est un dialogue en fait entre les deux autour de cette guillotine-là, dans ce qu'on présume être leur cellule, où ils sont condamnés à mort. Donc c'est ça, il y a une partie qui est historique quand on parle entre autres de Georges Danton, qui est un personnage qui existe pour vrai. L'autre personnage est fictif, mais en même temps on peut facilement imaginer que c'est un patriote, parce qu'on parle entre autres, il y a certaines mentions réelles aux patriotes. On parle aussi un peu de la période février 1839. Donc il y a certaines données comme ça qui sont vraiment concrètes, qui sont historiques, mais en même temps c'est pas un récit historique, c'est vraiment c'est romancé, c'est fictif. Même à la fin, quelqu'un a demandé à Patrick Lacombe, est-ce que l'autre révolutionnaire, est-ce que c'est Delorimier? Il a dit, c'est l'interprétation que vous en faites, c'est pas nommé, c'est pas dit, ça peut être qui vous voulez. Et vraiment quand on analyse vraiment les textes, c'est vrai que la discussion peut s'adapter à n'importe quoi. Le thème, en fait, c'est la Révolution, mais pas seulement la Révolution avec les données historiques qu'on en donne, pas particulièrement la Révolution française ni celle des Patriotes. On peut parler vraiment de n'importe quoi. C'est en fait un genre de discussion philosophique autour de la Révolution, entre les condamnés, la relation entre le condamné et le bourreau, la justice, le bien et le mal au travers de la Révolution, t'sais, qui est le méchant dans une Révolution, t'sais. C'est assez philosophique comme discussion, donc parfois assez lourd. Une chance, la pièce dure pas très longtemps, ça dure environ une heure, pas tout à fait une heure. Et moi, je sens que si ça avait duré un petit peu plus longtemps, ça aurait été dur de garder l'intérêt, parce que moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était lourd. Et là, justement, c'est là l'importance de l'enrobage vocal fait par Marie-Noëlle Lamy qui vient alléger ça un peu. Voilà. Voilà. C'est une pièce qui est encore à l'affiche pour deux représentations. Il y en avait seulement 6 au total. C'est les vendredis et samedis. Donc, il reste vendredi et samedi prochain, les 27 et 28 novembre. Mais c'est sûr et certain que s'il y a de la demande, il va y avoir d'autres représentations. Je pense pas que les dates soient si coulées dans le béton, là. C'est sûr que si vous demandez de voir la pièce et qu'il y a assez de demandes, c'est sûr qu'il va y avoir d'autres représentations. Mais si ça vous intéresse, si en fait vous êtes curieux, ça s'adresse peut-être pas à tout le monde, étant donné la lourdeur du texte. C'est pas si lourd quand même non plus, là. C'est quand même accessible. Si mais... tu connais pas les événements dont tu parlais. Ouais, c'est ça. C'est pas tant grand public, mais en même temps, là, si vous êtes ouvert, même si vous vous intéressez pas nécessairement à la Révolution, si vous êtes pas non plus de très grands fans de théâtre, si vous êtes ouvert d'esprit, vous allez apprécier ça. Ne serait-ce que pour l'expérience théâtrale particulière que c'est que d'être dans une aussi petite pièce avec, bon, avec la scénographie qui est particulière. Ça vaut la peine. Si vous êtes curieux, si vous êtes fan de théâtre, allez faire un tour. Pour réservation, faut téléphoner tout simplement. Vous téléphonez au 819-840-9320. Puis vous allez pouvoir c'est ça, réserver vos places. Je suis persuadé que s'il y a de la demande, il va y avoir d'autres représentations. Donc c'est important d'encourager nos compagnies théâtrales, peu importe hein, tout ce qui se passe culturellement ici. Il n'y en a pas énormément. Je pense qu'il y en a, à ma connaissance, il y en a seulement deux là, des compagnies théâtrales qui produisent vraiment des pièces régulièrement. Il y en a un autre d'ailleurs dont on va parler prochainement dans les prochaines semaines, les Théâtres des gens de la place qui vont présenter bientôt leur deuxième production annuelle. C'est Les Belles Sœurs qui va être présentée à la salle Anaïs Allard Rousseau au début décembre. Donc c'est sûr qu'on va vous en reparler dans les prochaines semaines, très bientôt. Mais bon, c'est ça. C'est important d'encourager nos compagnies, surtout dans une époque où je trouve où à cette heure, presque tous les gros théâtres de Montréal ont des tournées. Donc, c'est quand même facile là, d'aller voir des gros noms, des Christian Bégin et autres, peu importe, là, je ne veux pas dire de nommer une personne, mais tu sais, des gros noms, des comédiens intéressants qu'on a le goût de voir, qui vont passer ici à Trois-Rivières dans une tournée. C'est facile de les voir, mais en même temps, c'est important d'encourager nos gens ici, chez nous. Bien dit. Nos gens. Non, genre. Bon, donc on rappelle, c'est vendredi et samedi, c'est à l'église à côté du Super C. Exactement, c'est la meilleure façon de la décrire, c'est l'église à côté du Super C. Tenez à le rappeler. Vous êtes à l'Assemblage Requis, émission du retour en pièces détachées, l'émission qui se continue jusqu'à 17h, il nous reste une petite demi-heure ensemble. On va écouter un petit peu de musique pour se relaxer un peu. Hey, ça fait bien, c'est presque un thème d'église en plus qu'on entend en arrière. Je sais pas, j'ai des chants d'église, je sais pas comment faire ça. Non, c'est vrai, on n'est pas si familier avec ça de nos jours. Oui, on continue en musique avec la musique du groupe The Most Serene Republic. On va écouter la pièce The Old Forever New Things à Assemblage Requis. Of the psych of you. aujourd'hui. Jusqu'à 17h, Assemblage, Rocky, Kiwan, Mathieu, sur C'est fou, 89.1. Toujours Assemblage Rocky jusqu'à 17h. On s'amuse ensemble, Kiwan et Mathieu, et vous à la maison, où que vous soyez. Merci d'être avec nous. Oui, nous, on se fait des moves de main et des signes de bras. De bras. Donc, faites-en chez vous aussi. Mais si vous conduisez, faites attention, tenez volant quand même. C'est ça. Puis, envoyez pas des messages textes avec vos pieds non plus. Non, c'est compliqué. Puis, ça pourrait être mal interprété. Ouais, puis avec les gros orteils, des fois, c'est difficile de vraiment taper la bonne touche. Fait que t'écris c'est d'abord ça. De quoi. C'est ça, ouais. On écoute un petit peu de musique, on passe à un superbe bloc qui va contenir entre autres du Deegan and Sarah. Mais on va commencer ça avec l'indice. Oui, on va écouter la pièce Ton cœur aujourd'hui tout de suite à Assemblage Rock. C'était pas un indice par exemple, t'as dit le nom. Là. Non, c'était pas un indice, c'était assez direct. Ouais, vraiment. Ouais, même les jeux de mots, les indices tout ça. Direct et en direct sur les ondes du 89.5. L'indice, ton cœur aujourd'hui. C'est comme Assemblage Rocky pour toi aujourd'hui, mais à la place, c'est un cœur. Mathieu, est-ce que tu te souviens de la gagnante de UQTR en spectacle l'année dernière? Oui, j'y étais. Tu y étais? Bon, tu te souviens d'elle. Celle qu'on entend en fond présentement, c'est Amélie Gagnon. Oui. Elle est en train de préparer son premier album. Ou donne-moi plus d'infos, en fait, sur Amélie Gagnon. Ouais, ben Amélie Gagnon Quartet, c'est... Ils préparent l'enregistrement de leur premier démo. Ils vous invitent à leur spectacle de financement qui est demain soir, mardi, à 21h au Gambrinus, juste à côté de l'université ici. Donc, tu disais, Amélie Gagnon, qui est gagnante du premier prix à 8h en spectacle l'an dernier. C'est du funk, jazz, rock, blues. Ça dépend des fois. Plus les membres du groupe viennent apporter leur propre style musical à ça. Donc, c'est ça. C'est demain à 21h au Gambrinus. Si vous voulez en savoir plus, c'est myspace.com/ Amélie Gagnon Quartet ou encore chercher Amélie Gagnon Quartet sur Facebook. Il y a toute plein d'informations là-dessus. Le spectacle permettra au groupe d'amasser 5$ par billet vendu. Les billets coûtent 7$. C'est en vue de l'enregistrement de leur premier démo qui sera fait avec la collaboration des étudiants en sonorisation du cégep de Drummondville. Donc, c'est demain soir au Gambrinus à 9h. Oui, soyez-y, Amélie Gagnon et son quartet. Parfait. Nous, maintenant, on va changer un petit peu de registre, en fait. Oui, tout à fait. Si tu le veux bien. On va aller se dilater la rate. La rate? La rate. Comme le quartet. Quartet, il y a le mot... Ça finit en « et ». Donc, c'est parfait. En fait, on fait ça généralement le jeudi. Mais jeudi passé, on a manqué un petit peu de temps. Donc, on se reprend aujourd'hui. Et on vous passe cette capsule classique de « Vidons-la dans la question ». Le réchauffement de la planète, les océans, ça s'acidifie, c'est ça. Et le zooplancton, qui est à la base même de la chaîne alimentaire marine, se meurt. Et moi, je trouve ça dégueulasse qu'on n'en parle pas au radio. Fait qu'on va le faire un matin, on prend un premier appel. Vidons la donne la question, bonjour. Bonjour. Bonjour. Ce que vous êtes en train de dire, là, c'est qu'on devrait modifier génétiquement le zooplancton pour qu'il puisse se survivre à l'acidification des océans qui est causée par le réchauffement de la planète, c'est ça? Bon! Colin, ben écoutez, je vous remercie, monsieur, mais là, pour faire ça, mesdames et messieurs, on a besoin de sous, hein, pour faire ça. Et les sous, ça se trouve pas tout seul. On a besoin ça se fabrique pas, il n'y a pas d'arbre à argent, là. On a besoin de faire des sous. Et là, j'ai quelqu'un en studio pour faire des sous. Salut, Bruno. Bonjour. Oui. Bruno. Bruno, je me sens un peu mal à l'aise parce que. Pourquoi? Habituellement, les gens m'appellent pas Bruno. Ah non, comment ils vous appellent habituellement? Ils diminuent mon nom, ils enlèvent la dernière lettre pour m'appeler Brun. Les gens t'appellent Brun, Bruno. Mais quand c'est au travail, c'est encore plus intime, alors on enlève une autre lettre. Alors les gens au travail m'appellent Bru. OK. Et puis avec les gens avec qui je suis vraiment, vraiment intime, on enlève une autre lettre et ils m'appellent tout simplement Brr. Alors, Luc, tu peux m'appeler Brr. Parfait, mon Brr. Toute une solution pour qu'on fasse de l'argent pour sauver le zooplancton. On va faire... On va organiser quelque chose de très impressionnant. Et qu'est-ce que c'est, Brr? On va faire un cirque avec des fruits de mer. Venez, grands et petits, voir des choses incroyables au cirque de fruits de mer. Imaginez-vous, vous vous réveillez un matin et vous n'avez plus personne autour de vous. Allô? Allô? Vous descendez dans la rue. Plus personne. Allô? Y a-t-il quelqu'un? Vous rentrez dans tous les commerces que vous trouvez. Y a-t-il quelqu'un? Allô? Mais non, vous êtes seul. Non! Voici l'histoire de Jocelyn, le dernier être humain sur la Terre. De retour à Vidon Ladon la question, et oui, on a en ligne, au téléphone, le dernier être humain sur la Terre. Salut Jocelyn. Salut. Jocelyn, t'es toujours le dernier être humain sur la Terre. Ouais. Y a pas personne, là. Non. Non. On s'est parlé cet été. Tu nous as dit, entre autres, là, que tu t'étais ouvert un compte Facebook. T'as pas pu t'empêcher de suivre cette mode-là, toi non plus, là. Ben ouais, c'est cool, Facebook. J'ai comme revu plein de monde que ça faisait longtemps que j'avais pas vu, là. Ouais, mais tu peux pas vraiment les ajouter à tes amis, vu que t'es tout seul, ça doit être un peu plate. Ah, mais je me suis arrangé finalement. J'ai comme tout scanné les photos de mes amis, puis je leur ai toutes faites à chacun un compte Facebook. Puis là, je les ai comme toutes faites, qui se sont toutes requestées ensemble, puis comme on est toutes rendus, toutes mes amis, comme des amis Facebook. Ouais. Fait que c'est comme, c'est correct. Ouais, mais t'as, fait que t'as réussi à recréer à toi tout seul un réseau de contacts Facebook. C'est... Mais, ben ouais. Mais concrètement, qu'est-ce que ça t'apporte, Jocelyn? Ben, on peut s'envoyer des drinks virtuels puis se faire des guerres de vampires, là, comme dans le vrai Facebook. Ouais. Mais sinon, Jocelyn, est-ce que tu voyages de temps en temps? Je suppose que tu restes pas écrasé devant ton ordi à journée longue. Ben là, faut en voyager, là, c'est un grand terme, là, mais... À un moment donné, c'est arrivé que j'ai chauffé un autobus puis que j'ai été jusqu'en Gaspésie, là. Un autobus? Pourquoi t'es tout seul, Jocelyn? Pourquoi un autobus? Ben, je sais pas, là, me semble que dans ma tête, quand on s'en va loin, on y va en autobus, tu sais? Ouais. Non? Ben ouais, peut-être, mais tu penses-tu aller ailleurs qu'en Gaspésie? Ben, un moment donné, je pensais aller en Haïti. Wow, t'es courageux. Non, je suis là... Tu sais, Haïti, je me dis, ça vaut plus bien ben la peine, là, tu sais, quand on est seul sur la terre. Là. Pourquoi? Ben, je sais pas, me semble, tu sais, c'est... le trip de voyager en Haïti, c'est comme d'avoir, genre, des anecdotes fucked up à raconter, tu sais. Mm. Tu sais, là, genre, là, t'arrives, là, tu reviens de là, puis là, tu te dis, asti, man, que c'est mal chié là-bas en Haïti, là, genre, là, le courant, là, ça coupe tout le temps, fait que c'est genre des génératrices qui font marcher leurs ordi. Mm. Tu sais, ce genre d'anecdote-là, là. Oh, oui. Ou bien, tu sais, comme de dire, genre, tu te dis au monde, là, hey, man, on se rend pas, genre, tellement pas compte à quel point qu'on est bien ici. Tu sais, là. Un voyage en Haïti, c'est comme fait, genre, comme pour te fucker dans la tête parce que t'as vu, genre, des affaires, genre, fucked up, tu sais. En fait, là, Jocelyn, t'es en train de me dire que ça sert à rien d'aller en Haïti parce qu'il y a plus de monde pauvre pour te dépayser. Ouais, genre... Bon. Ben écoute, je te remercie beaucoup, Jocelyn, d'avoir été avec nous. On te souhaite bonne chance pour l'avenir. Hey, c'était le jour du souvenir, hein? C'est bientôt le jour du souvenir, ouais. Ah, une chance que je m'en suis souvenu, sinon... Ça aurait pas fait été fort. Non. Vidon-la dans la question. Une autre capsule des gars de Vidon-la dans la question. C'est une capsule classique qui date du 8 janvier 2007 dans l'épisode Le cycle des fruits de mer avec Bruno. / Jocelyn, le dernier être humain sur la Terre. Un de mes sketchs préférés, celui-là, avec Jocelyn, tellement excellent. Délicieux. Et donc, oui, un sketch comme ça, vous pouvez en entendre un à chaque semaine ici dans l'émission Assemblage Rocky. Généralement, c'est les jeudis, mais ça arrive que ça soit les lundis. On pourrait s'en mettre à tous les jours. Hein? Oui, mais on va diffuser ça tranquillement, ouais, comme ça pendant toute l'année, une fois par semaine, les jeudis. Crayons le pi de Vidon alors la question. Donc, comme ça tous les jeudis, oui, bon. Donc, Assemblage Rocky, émission du retour en pièces détachées. On accélère la cadence un peu, on accélère le pas. Là, on va l'entendre un petit peu de Tegan and Sarah tout à l'heure, mais avant ça, on a un petit concours. Oui, en fait, on en fait passer une pièce la semaine dernière, je crois. Le groupe s'appelle Qui m'aurait cru. C'est un groupe qui fait dans la musique traditionnelle, un mélange de trad québécois et cajun. Cajun gaspésien un peu. Gaspésien, ouais, si vous aimez, peut-être caillouche, je dirais. Exactement. Vous donc, apprécierez Qui m'aurait cru. Il va être en spectacle le 5 décembre, c'est samedi le 5 décembre à 21h à la microbrasserie à l'affût de Saint-Tite sur Notre-Dame. Les billets valent quand même 15$. On vous en donne une paire, donc deux billets. Calculez ça comme vous voulez, mais c'est un beau petit cadeau qu'on vous fait, Qui m'aurait cru. Donc, si vous voulez aller voir ça, vous nous appelez tout de suite au 376-5183. Pendant ce temps-là, nous, on va aller écouter Tegan and Sarah avec la pièce Hell. Cet assemblage requis jusqu'à dans quelques minutes. No. Tegan and Sarah et Hell, assemblage requis. Ça, ça trône là, presque au sommet du palmarès. C'est en deuxième position. C'est pas mal sur le fond. Oui, c'est ce qui termine l'émission pour aujourd'hui. Déjà, ça se finit donc bien vite, les petites émissions-là, toi. Ça passe très vite, mais il y en a un autre demain, Mathieu. Oui, demain, mardi, on va recevoir Simon Fitzbé pour sa chronique sur les mythes du rock'n'roll Paul is Dead. Il va aussi avoir Émilie Gauthier qui va venir parler plein air un peu avec nous. Évidemment, il va y avoir plein de bonne musique du palmarès. Et d'ailleurs, on va parler de plein de bonnes choses, comme toujours. Restez à l'écoute de C'est fou. Aujourd'hui, l'horaire continue comme bon vous semble. Ce qui s'en vient tout de suite, c'est Donne-moi le goût. Ensuite, à 18h, il va y avoir Chérie m'écoute-tu avec Sophie Laforêt. Ensuite, à 19h, c'est Le voyage insolite avec Frédéric Durand. À 20h, Simon embarque avec Album classique et Crowd Rock. Puis, C'est au poil avec du métal à 22h. Donc, soyez là pour ça. Voilà, c'est tout pour nous. Oui, on se quitte avec We Are Wolves et Paloma. Paloma. Paloma. C'est Paloma. Faut dire de façon virile, un peu comme les gars de Vidéo la Droite Question. Paloma. Hein? Bref, on se quitte avec ça, puis l'Info Campus, puis Donne-moi le goût. Bonne soirée. On se retrouve demain. Bye bye. Bye, Kevin.